Septième affiche de paye. En net à payer, donc ça fait 5 068. Voilà, ce que je touche tous les mois, c'est 5 000 euros. À peine 5 000 euros de salaire pour le milliardaire. Encore plus surprenant, sa feuille d'impôt. Moed Altrad paye donc 28 900 euros d'impôt sur le revenu. C'est très peu pour un milliardaire, mais cette année, il ne s'est versé aucun dividende.